Chapitre 22e. L'âme endormie se réveille. Entre-temps, s'était produit un fait aussi grave, capital, que sentimental. Fernand avait dit à Madeleine quelle étrange ressemblance il trouvait à Geneviève. « Elle vous ressemble au point, lui affirma-t-il, que si votre regrettée Paulette existait, elle ne pourrait vous ressembler davantage. » Madeleine fut naturellement très frappée par cette déclaration. Elle en parla à Jacques Dalmet, à Maître Thirion. Le commandant et l'avocat promirent d'aller eux-mêmes constater si le cœur de Fernand ne s'illusionnait pas. Mais en attendant, Madeleine eut cette pensée heureuse. « Tu devrais, dit-elle à Fernand, parler à Geneviève des Ravenel. Je l'ai fait, vous le pensez bien, je lui parlais de vous, de nous tous, mais cela n'a rien évoqué dans son esprit. Parle-lui de Paulette. » Fernand, alors, dans un de ses courts et délicieux entretiens qu'il pouvait avoir avec Geneviève, saisit l'occasion d'exécuter la pensée de Madeleine sans avoir l'air de le faire exprès, pour ne pas donner l'éveil aux soupçons de la jeune fille et manquer l'effet attendu. Geneviève lui racontait encore ses jours de souffrance, de misère, jusqu'au moment où elle fut sauvée par le père Gervais. « J'étais autrefois, lui dit-elle avec sa franche et pure ingénuité, j'étais un petit garçon qu'on appelait Chiffon. »« Vous avez été un petit garçon ?» s'écria Fernand riant. « Eh bien moi, j'ai été une petite fille. »« Oh, un autre miracle, racontez-moi ça. » Bien que j'aie le bonheur d'avoir encore ma mère, j'ai eu en surplus la plus idéale, la plus adorable des mamans, maman Madeleine. Maman Madeleine. Or, maman Madeleine, frappée par un malheur qui lui enleva son enfant, sa fille, eut pendant quelque temps l'esprit abîmé comme le cœur. Une sorte de folie douce et touchante lui fit croire que sa fillette n'était pas perdue, qu'elle était toujours à ses côtés. C'est moi qui lui donnais cette chère illusion. Vous, Fernand? Moi. Quoique garçon, elle voyait en moi sa fille, et elle me traitait, me caressait comme sa fille. Je puis le dire, jamais garçon n'a été choyé comme moi. De mon côté, je cherchais à jouer le mieux possible mon rôle de petite fille. Geneviève écoutait en souriant, amusée et charmée par ce récit. Je parvenais, poursuivait Fernand, à être si bien une petite fille que maman Madeleine me berçait dans ses bras, m'embrassait longuement en me disant « Ma fille chérie, ma Paulette, Paulette ». À ce nom, Geneviève soudain tressaillit. « Paulette ? » s'écria-t-elle. « Paulette ?» Geneviève, après un moment de silence, regardant tendrement Fernand, dit « En entendant ce nom, je viens de ressentir au cœur un coup très fort et délicieux. Paulette ! Paulette ! Pourquoi ce nom m'a-t-elle troublée ? Pourquoi ?» Puis elle ajouta « Continuez, monsieur Fernand. Madame Madeleine, vous chérissez comme ça, Paulette. Et puis ?» Maman Madeleine m'emmenait dans les bois cueillir des fleurs. Elle m'apprenait à lire, me chantait des chansons, une surtout, que j'aimais beaucoup et que je n'oublierai jamais. « Voyons !» Fernand commença. « Ils étaient trois petits-enfants. » Brusquement, Geneviève l'interrompit. « Oh, je sais, je sais ! Ils étaient trois petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. » Elle dit le premier couplet en entier et, rayonnante, s'écria. « Oh, je connais cette chanson, je l'ai entendue, souvent. Autrefois, mais qui me l'a chantée ? Qui ?» Doucement, Fernand, encore plus tremblant que Geneviève, lui dit « Ne cherchez pas maintenant, Geneviève. Demain, oui, demain peut-être, le souvenir sera revenu. » Il courut au Ravenel raconter cette scène à Madeleine, à son oncle Jacques. Le lendemain, Madeleine et le commandant venaient à Paris voir Maître Thirion. Celui-ci se trouvait dans son cabinet avec Paulin Broquet, son ami de longue date. Le commandant et Madame Madeleine redisaient la sensation produite sur Geneviève par le nom de Paulette, par la chanson des trois petits-enfants. Quand le domestique vint dire qu'un vieillard voulait parler à l'avocat, le père Gervais paraissait à la porte. « Moi, c'est moi, mon cher défenseur, je viens vous demander de m'aider à sauver Paulette. »